Trait d'Union, Québec.org ou encore téléphoner au 88 524 0437, poste 0. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on donne le coup d'envoi avec une nouveauté italienne, c'est-à-dire le second disque solo du batteur italien Andrea Orlando. Et le titre, c'est La Chanza delle Stagioni. On vous en a présenté des extraits la semaine dernière avec un spécial d'une heure qui couvrait ces deux albums. Et ce soir, on vous présente un nouvel extrait qui a pour titre Ancora Luce. Ce nouvel album a été réalisé avec la complicité de très nombreux musiciens. D'ailleurs, Andrea me racontait en entrevue qu'il y a une partie des musiciens qui ne sont pas des musiciens de rock progressif. En fait, il était curieux de voir, en confiant les partitions, ce que des musiciens non habitués pouvaient livrer comme performance. Et puis, il m'a aussi invité plusieurs de ses amis, que l'on pense à Luca Scherani, son complice au sein de la Coscienza di Zeno, et Boris Valle de Finistère, qu'on retrouve au piano. Il y a aussi le guitariste de Finistère, Stefano Marelli, qui contribue à l'album, tout comme Matteo Naum de Sonaton, ou Fabio Zuventi de Finistère, La Maschera di Cera, et j'en passe. Agostino Macor aussi, claviériste de Finistère et aussi de La Maschera di Cera, qu'on retrouve au Moog. Et finalement, au chant, la chanteuse Maggie Moschino, qui a notamment collaboré avec Aldo Tagliapietra, l'ex-chanteur de Liormé. Et puis Marc, pour faire suite, on va se diriger du côté des États-Unis. Oui, en effet, on aura deux formations américaines. On aura d'abord Dave Kersner, qui fait partie de la formation Sound of Contact et qui a plusieurs albums en solo, dont ce nouvel album qui a pour titre Heartland Mines Volume 1, qui paraîtra bientôt et qui comporte des pièces sur lesquelles il travaillait depuis plusieurs années, certaines depuis 25 ans. Alors, on aura pour vous ce soir la pièce Eye of the Storm, et ce sera suivi de la formation Proud Peasant. Ils sont de Austin, Texas, et ils feront paraître cette semaine leur second album, Communion. Leur premier avait pour titre Flight, et dans le cas de cet album-là, en fait, c'est le second d'une trilogie qui aura pour titre It Does Not Cease. Alors donc, de l'album Communion, on aura la pièce An Embarrassment of Riches. Mais pour débuter ce bloc musical, comme vous le disait Michel, on a une nouvelle pièce de l'excellent artiste italien Andrea Orlando. Thank you. lives down the line to a field of littered mines. And you race to the eye of the storm. Burn out, flash flood. We'll be right back. There's a field that lies below the mountains of the west, where we once played. And it's a place that no one knows, but weary peasants rest. We knelt and knelt and we prayed. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1. Texte de Luxe, lu par Annabelle Pelletier-Legros dans une conception sonore de Frédéric Dufour. Une production de l'ICQ, Québec en toutes lettres. Regards posés sur ces murs, rassemblés au même moment, vœux improbables sur les remparts. Tu te souviens? Rendre aux paysages leur blondeur tendre, l'authenticité aux pierres. Nous cherchons encore la plus belle vue sur la ville. Gravissons les pentes reconstruites. les meilleurs aménagements possibles, changeants. Nos regards posés sur ces murs, en convoi inégal, créent des miracles. Nous posons de nouvelles pierres partout. Des histoires débutent et se terminent ici. L'herbe repousse toujours. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. On poursuit Terra Incognita, cette fois avec une nouveauté en provenance de Grèce. C'est le groupe Residuos Mentales, en français je pense que c'est quelque chose comme les résidus mentaux, un groupe de Athènes pour être plus précis. En fait, je dirais même que c'est peut-être plus un duo formé par le claviériste Stratos Morianos et le guitariste et flûtiste Alexandros Mantas. Ils vont présenter un nouvel album le 27 octobre prochain et qui a pour titre A Temporary State of Bliss. Le duo a déjà présenté un premier album en 2018 sous le titre de Introspection. On va donc présenter un premier extrait de l'album Temporary State of Bliss et ce sera la pièce A Series of Self-Correcting Errors. Et Marc, je pense que par la suite, ben, on se dirige du côté de l'Italie. Oui, en effet, et ce sera avec le nouvel album de la formation légendaire italienne Il Balletto di Bronzo, qui a été fondé à Naples en 1969. Ils avaient fait paraître leur premier album en 1970 et leur second, l'excellent album YS, en 1972. C'est un des grands albums de rock progressif italien des années 70, d'ailleurs. Ils se sont séparés en 1973 et ont repris du service en 1980. On fait paraître un album en 2016 et celui-ci, donc le plus récent, paru un peu plus tôt cette année, qui a pour titre Les Mures. Alors, de la formation originale, il ne subsiste qu'un seul membre. Et c'est un album très très surprenant au niveau musical. On aura pour vous ce soir la pièce Certezze Fragili. Et ce sera suivi de la formation du Royaume-Uni Osric Tentacles, qui viennent de faire paraître hier leur nouvel album qui a pour titre Lotus Unfolding. C'est leur 22e album en carrière. La formation a débuté en 1983. Alors on aura pour vous ce soir la pièce titre de ce nouvel album. Et pour débuter le bloc musical, comme vous le disait Michel, on débute avec la nouveauté de la formation grecque Residuos Mentales. Thank you. ingannato i popoli. Attraverso i secoli, la falsità la stupidità delle tue tristi. Dei tuoi dogmi ipocriti, violenza in maschera, schiavo sei tu, ancora di più, di un bisogno inutile. Fragili che negano libertà, confondono la realtà. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Écoutez CKRL 89.1. Jean Drouin, Caroline Simard, Francine Chatigny, Raymond Poirier, Raymond Côté, Bernard Saint-Onge, Jaime Silès, Georges Goma, Valérie Levé, Benoît Béchard, Pierre Blais. Ici Caroline Stephenson. Avec toute l'équipe des Matins éphémères, on vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 7h à 9h pour bien débuter la journée sur les ondes de CKRL 89.1. You know what I mean? Julie Vignola, Luc Ferland, Jean-François Arthaud, Michel Marcoux, Nicolas Médieu, Gilles Chaumel, Robert Boisclair, Christian Carles, Christian Gérard, Caroline Ménard et Barbel Ring. One special vibe. À Télé-Québec, vivez un automne. Attache ta tuque avec la broche parce que ça va brasser tout à l'heure. Hors de l'ordinaire. Oh! Audacieux. Oh mon Dieu, x4. Déconcertant. Mais voyons! Ouvre les vieux, prends des grandes respirations. À Télé-Québec, vivez un automne pleinement assumé. Je suis complètement déstabilisé. Faut que je me calme. Un automne wow. Que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Je trouve ça fou, raide. Vivez l'expérience. À longueur de semaine. À Télé-Québec. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation Sunchild de l'Ukraine, tirée de leur album Exotic Creatures and a Stolen Dream, qui est paru en tout début de cette année, avec la pièce Northern Skies. C'était le 8e album donc de cette formation, qui a été fondée en 2008. On aura également une formation de la Norvège qui a pour nom Lumsk. C'est tiré de leur album Fremede Toner, paru un peu plus tôt cette année, avec la pièce Under der Linden. C'est un très beau retour sur disque pour cette formation. On aura également le duo Pacha et Porsti, donc Raphaël Pacha et Kimo Porsti, tiré de leur plus récent album Sea of Mirrors, vraiment très bon, avec ici la pièce Charybdis, sur laquelle le piano est joué par Alessandro De Benedetti. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de l'Italie. Oui, effectivement, et même, on pourrait préciser, de la Sicile. C'est le groupe Homunculus Res qui nous présentait dernièrement un cinquième album studio qui a pour titre Echo l'Impero de Doppi Sensi, ce qu'on peut traduire par Voici l'Empire des doubles sens. Un excellent groupe qui propose une musique toujours originale et on peut dire parfois assez près de l'école Canterbury. Je pense que c'est pour ça que Marc et moi on a un petit faible. De ce nouvel album, on aura la pièce Quintessenza La La La, soit la quintessence de La La La. Et on y va avec Homunculus Res. We'll be right back.

darling, you won't be replaced. La soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Le samedi soir à Télé-Québec est une expérience hallucinante. Je sais pas du tout de quoi on va me parler. À 20h, vivez le talk show réinventé avec Pour une fois. J'ai plein de questions à poser. À 21h, faites du bruit sur une scène endiablée avec Belle et Bum. On a une belle soirée devant nous. Et à 22h, plongez tête première dans des histoires improbables avec notre programmation cinéma. Si on faisait un jeu... Les samedis soirs... Je trippe. Vivez l'expérience à Télé-Québec. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura une formation italienne qui a été fondée en Sardaigne en 1994 et qui a pour nom Entity. Malheureusement, ils n'ont fait paraître qu'un seul album, quoiqu'il est vraiment excellent. Alors, si vous ne connaissez pas cet album, c'est hautement recommandé. Le titre est Il Falso Centro, paru en 2013. Et on aura pour vous ce soir la pièce Il Desiderio. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de la Scandinavie. Oui, et on pourrait dire, pour être plus précis, de la Norvège. Il s'agit de Arab in Aspic, et on va voir un extrait de leur album en concert, et je n'hésite pas à ajouter de leur excellent album en concert. J'adore ce disque, Live at Avantgarden. C'est paru en 2018, et on écoute la pièce Pictures in a Dream. Tired of candles for your friends.

dice che mi avvolge il desiderio dentro me. È un cammino senza meta. Il desiderio mi ossessiona. Di desiderare, no.